côté. Et nous avons dansé toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh oui! Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh oui! Nous n'avons pas échangé un mot, mais je voyais bien sitôt qu'elle me regardait, qu'elle n'avait pas envie de s'arrêter. Et nous avons dansé toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh, oh oui! Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh oui! Au petit matin, je suis rentré seul. J'avais l'impression d'avoir rêvé, mais jamais un rêve ne m'avait autant fatigué. Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh!